Kissam Beats Productions. Je me suis baladé, dans le bloc ça saladé. Oh mon dieu j'ai galéré, à part de 10 mètres carrés. C'est nous les cramés, ouais je suis cagoulé. On t'a respecté, mais faut pas chercher. J'ai regardé la lune, la vida loca. Je suis devant la vue sous votre cacoca. Je vais descendre, rien descend le bané. C'est ton meilleur pote qui te met le contrat. Dans le bar c'est moi qui tire, je suis Django. J'avais 12 ans, j'rêvais du million banco. Elle fait le signe, ta folle et danser le tango. Wesh les voyous, je vous baisse, prends pas de coco. J'ai traîné là-bas dans les coins sombres. Je me vois rentrer selon légende. Que des fils d'hommes qui ont pas cru en moi. Maintenant je vous laisse, je suis dans les ondes. J'ai traîné là-bas dans les coins sombres. Je me vois rentrer selon légende. Que des fils d'hommes qui ont pas cru en moi. Maintenant je vous laisse, je suis dans les ondes. J'suis dans les ondes. J'suis dans les ondes. Selon les gens. Seul dans ma favela. Scamberge à tous comme Benjamin Zerela. Wesh écoute Rebenga. J'suis seul dans la favela. Seul dans ma favela. Scamberge à tous comme Benjamin Zerela. Wesh écoute Rebenga. J'suis seul dans la favela. À compter sur les humains, tu peux couler, recouler. Ton talent des noms, on te baisse, gros. Va te faire encouler. On sait que t'es un Hassa, ouais. Va te faire encouler. Monsieur le président, j'ai vu tes reins Yankee. J'suis comme les coffres, je veux pas quitter le maquis. J'ai gambergé, je me dis que rien n'est acquis. J'ai le cœur qui bat, qui fait taki-taki. Ton talent des, j'prends le monde de l'Himalaya. J'm'en bats les couilles, moi du boule à Maya. Dans le bloc D, toi tu me verras en bas. Arrête par les potos en bas des mandats. J'ai traîné là-bas dans les coins sombres. Je me vois rentrer selon légende. Que des fils d'hommes qui ont pas cru en moi. Maintenant je vous laisse, je suis dans les ondes. J'ai traîné là-bas dans les coins sombres. Je me vois rentrer selon légende. Que des fils d'hommes qui ont pas cru en moi. Maintenant je vous laisse, je suis dans les ondes. Je suis dans les ondes. Je suis dans les ondes. Seul dans les gens. Seul dans ma favela. Scamberge à tous comme Benjamin Zerela. Wesh écoute Rebecca.